J'en ai assez de mendier de l'amour un petit peu chaque jour. J'en ai assez de vivre un vrai cauchemar dès que j'arrive en retard. Moi je suis venu te dire que je vais partir, que je ne veux plus souffrir. J'en ai marre de penser tous les soirs que je vis un enfer, que je vis dans le noir. Pourtant tu m'avais dit oui, on s'était promis de s'aimer pour la vie. Mais tu as tout cassé, alors je viens te dire que je vais te quitter. J'en ai assez. Chaque fois que tu vas mal, moi je ne peux plus bouger. J'en ai assez des dentelles grises et noires. J'ai envie de respirer. J'ai envie de regarder le soleil, de regarder les filles, les vraies merveilles. J'ai envie de marcher sur le sable jusqu'à que le soleil se perde dans les étoiles. Je veux rester libre, je veux vivre libre. Je ne veux plus être attaché. Je ne veux plus t'aimer. Alors je viens te dire que je vais te quitter. Parce que j'en ai assez. J'en ai assez.